Avec toutes ces questions dans ma tête sans raison, je voudrais bien vieillir. Eh bien quoi, laissez voguer ma pensée au gré du vent et laissez-moi décoller. Avec qui je vivrai, j'ai trop peur de mourir. Eh bien quoi, laissez voguer ma pensée au gré du vent et laissez-moi décoller. La vie me fait plaisir. Eh bien quoi, laissez voguer ma pensée au gré du vent et laissez-moi décoller. J'ai besoin que l'on m'aide, sans me faire de la peine, sans crainte je peux lire. Eh bien quoi, laissez voguer ma pensée au gré du vent et laissez-moi décoller. Pensez au vrai des vents.